Il est 18h, de retour à Futur Simple, et c'est François Grégoire qui vous parle. Quand on pense au vinaigre, on pense surtout à ses utilisations culinaires, les conserves de maman, les marinades et les vinaigrettes, la salade de choux. Bref, on l'utilise à toutes les sauces. Mais le vinaigre est un composé aux utilisations multiples. En plus de ses précieux apports culinaires, on peut l'utiliser pour nettoyer, désinfecter, déodoriser et enlever des taches. Mais qu'est-ce que le vinaigre exactement et d'où provient-il? Notre chroniqueuse Geneviève Guy est ici pour nous en parler. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Bon, le vinaigre, c'est en fait un composé d'une élégante simplicité. C'est vrai, c'est une toute petite molécule. Hein? C'est ça. Et comme tu dis, il est tellement versatile et polyvalent que moi, je le considère comme un indispensable dans la maison. Sauf que, comme bien des choses, il existe différents vinaigres de différentes qualités qui sont aussi issus d'ingrédients qui sont très variables. Puis, ces ingrédients-là ne sont pas toujours considérés comme naturels. Donc, il importe de connaître avec quoi peut être produit le vinaigre afin de choisir les meilleurs vinaigres selon l'utilisation qu'on veut en faire. Et comment est-ce qu'on produit le vinaigre? Bien, le vinaigre, c'est le résultat d'un processus appelé la fermentation, où des levures et des bactéries transforment le sucre en acide acétique. En premier lieu, les levures commencent par convertir les sucres en alcool, plus précisément en alcool éthylique ou encore éthanol. Ouais. Ensuite, les bactéries vont permettre à l'éthanol de fermenter en acide acétique, qui est l'ingrédient principal du vinaigre. On a tous expérimenté à un moment donné ou un autre le phénomène en laissant du vin à l'air libre. Bon, mais le vin en s'oxydant va se transformer en acide acétique. C'est d'ailleurs d'où vient le nom vinaigre du vin aigre. Bon, la teneur en acide acétique des vinaigres va varier selon le type. Elle peut être de 4 à 8 pour le vinaigre de table et aller jusqu'à 18 pour le vinaigre destiné aux marinades et aux saumures. Alors, le vinaigre n'est pas nouveau comme produit, en fait. Ah, non, c'est un produit, dans le fond, qui est produit depuis des millénaires. En fait, depuis qu'on connaît la fabrication du vin, probablement. C'est exact. On a des traces de fabrication de vinaigre par les Égyptiens et les Chinois qui l'utilisaient déjà il y a de 4 à 5 000 ans d'ici, 3 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. C'est Louis Pasteur qui a démontré que le vinaigre était résultat d'un processus tout à fait naturel de fermentation, grâce à l'action d'une bactérie acétique. Lui, en fait, il cherchait à prouver que c'est un champignon, mais il a découvert que c'était une bactérie. Donc, cette fermentation se fait en conditions aérobiques, c'est-à-dire que l'air joue un rôle crucial dans le processus. Et j'imagine qu'il en faut juste assez? Oui, c'est ça. Trop d'air peut ruiner le produit, car les levures et les bactéries, à ce moment-là, vont oxyder tous les sucres qui vont être transformés en CO2. Ah ben oui. Puis au contraire, s'il n'y a pas assez d'air, il va avoir une trop grande production d'alcool, puis les bactéries acétiques vont en mourir, ce qui va stopper le processus de fermentation. Finalement, donc, on est pas mal dans la chimie. Hein? Oui, c'est toujours dit. C'est le thème de l'émission, en fait. Alors, le vinaigre est issu d'une double fermentation. Mm-hmm. La fermentation d'hydrate de carbone, en fait, en premier lieu, grâce à l'action combinée des bactéries et de l'air. Oui. Il en résulte de l'alcool éthylique, comme tu le disais tout à l'heure, qui sera à son tour transformé en acide acétique, également par des bactéries. C'est ça. Puis je rajouterais aussi qu'en plus de tout ça, il faut pas qu'il fasse trop chaud. Puis le contenant dans lequel on veut faire le vinaigre ne doit pas être en métal, parce que ça aussi, ça tuerait les bactéries. Tiens, ouais, okay. C'est ça. La plupart du temps, c'est un contenant. On choisit un contenant si on veut le faire chez nous et des recettes sur Internet. Là, c'est très, très simple à faire. Faut prendre un plat, un pot à l'épreuve des rayons plat opaque en terre cuite. Okay. On appelle ça le vinaigre. Okay. Ou les pots en verre brun, peut-être. Là, ou si transparent. Okay, pas transparent, il faut que ce soit vraiment opaque. Okay. Mais revenons à l'alcool éthylique ou à l'éthanol. Bon, cet alcool-là est crucial au processus, puis il peut provenir de sources naturelles d'hydrate de carbone, comme les jus fermentés, le cidre, la bière, le vin. On a juste à penser au vinaigre de cidre, au vinaigre de vin, de xérès, puis au délicieux vinaigre balsamique vieilli, là, qui provient, lui, de raisin, de la région de Modène, en Italie. Bref, les bons vinaigres naturels qu'on utilise en cuisine. Sauf que l'éthanol peut être fabriqué synthétiquement à partir de gaz naturel et de dérivés de pétrole. Ouais. Aux États-Unis, selon la U.S. Energy Information Administration, les raffineries américaines vont produire annuellement entre 19 et 21 millions de gallons d'essence. Je manque une petite donnée, là. À partir de 42 le ratio et de 2 pour 1, finalement. À partir de pétrole brut, on produit la moitié de cette quantité-là en pétrole raffiné. Donc, il y a des résidus qui vont procurer des distillables, des huiles résiduelles, du kérosène et de très nombreux autres produits. Le vinaigre blanc compte parmi ces produits dérivés du pétrole. Ah bon? Je l'ignorais complètement. Okay. On fait tous le saut parce que personne ne voudrait consciemment ajouter des produits dérivés du pétrole dans sa nourriture ou utiliser du vinaigre blanc en tant que nettoyant écolo en sachant qu'il conduit de tels produits. Effectivement, on aide beaucoup à avoir fait le saut là. Oui, effectivement. Et c'est pourtant ce qui arrive quand on utilise le vinaigre blanc. Voilà. Donc, l'alcool synthétique qui est produit à partir des produits dérivés du pétrole puis est utilisé dans la fabrication du vinaigre blanc. C'est un fait qui est reconnu par le FDA, le Food and Drug Administration aux États-Unis. Ils ont même publié un document qui est disponible en ligne pour ceux qui voudraient le lire. Le FDA mentionne qu'il est en désaccord avec le fait que les alcools synthétiques soient utilisés à des fins alimentaires. Mais leur position n'est pas considérée par les lois américaines qui ne reflètent pas leurs préoccupations. Donc, même s'il est reconnu que ce procédé-là est autorisé pour la fabrication du vinaigre destiné à la consommation, il n'est pas obligatoire que l'étiquette mentionne la provenance de l'alcool utilisé pour la fabrication de ce vinaigre-là. Donc, mais à titre comparatif, il est obligatoire de le mentionner, de mentionner la source d'alcool quand on produit des breuvages alcoolisés. Bon, alors, il n'y a donc pas de réglementation et les fabricants de vinaigre peuvent, en fait, utiliser l'alcool synthétique sans problème. C'est ça. Ils ne sont pas tenus, en fait, non plus de l'indiquer sur l'étiquette, je comprends bien. Et en ce moment, c'est pour réglementer, effectivement. Donc, en attendant que les agences gouvernementales rendent obligatoire l'étiquetage des vinaigres issus d'alcool synthétique, bien, on doit s'assurer nous-mêmes la provenance de l'alcool. Règle générale, tous les vinaigres dont les ingrédients mentionnent alcool de grain ou cidre ou vin ou tout autre alcool naturel, si on veut, ben c'est des vinaigres naturels. Pour les vinaigres blancs, c'est là le problème. La plupart du temps, les vinaigres naturels s'affichent habituellement comme tels, puis ils coûtent plus cher aussi. Donc, ce sont eux qu'on doit acheter si on veut s'assurer qu'ils sont bel et bien naturels. Évidemment, si on veut être absolument sûr d'utiliser un vinaigre naturel, le mieux, c'est de le faire soi-même. Oui. Comme je disais, c'est un processus qui peut prendre quand même assez de temps, mais c'est quand même assez simple. Vous pouvez trouver une recette sur Internet. Comme je disais, ben, on prend un bon vin. Un bon vin va donner un bon vinaigre. Là, c'est pas nécessaire. Un vin cheap va donner un vinaigre cheap. Donc, un hydromel, tout ça, ça prend un bocal opaque, comme je disais, des levures. Les levures de bière vont convenir, de l'air et du temps. Et puis, de toute façon, il existe tellement de variétés de vinaigres à découvrir puis à essayer. Les marchés asiatiques, il y en a plusieurs qui sont méconnus. Personnellement, moi, je considère que le vinaigre blanc devrait être réservé à des fins plus utilitaires, comme le nettoyage et la désinfection. Oui, parce qu'en cuisine, en fait, c'est comme du sucre blanc. Ça n'a pas nécessairement de caractère. Les autres vinaigres, là, ils ont vraiment... Chacun, on peut faire des dégustations de vinaigre puis on va vraiment voir la différence. C'est ça. Au tout début de ta chronique, je mentionnais que le vinaigre était utilisé à plusieurs fins. Est-ce que tu peux mentionner quelques-uns de ces usages moins connus? Oui, à part les usages culinaires et domestiques pour le nettoyage, le vinaigre peut, par exemple, être utilisé pour soulager les coups de soleil. Ah bon? Oui. Ça aussi, oui. C'est pas non? Ça fait vraiment du bien. On vaporise un drap de vinaigre, comme du vinaigre blanc, ou encore mieux, le vinaigre de cidre de pomme, qu'on applique sur la peau meurtrie. Bon, on fait push-push sur le drap, on met ça sur la peau meurtrie. Okay. Ce que ça fait, c'est que ça va restaurer l'acidité qui a été perdue par le corps brûlé, puis ça va procurer un effet rafraîchissant. On peut aussi l'utiliser en tant qu'herbicide, sauf qu'il faut se souvenir que le vinaigre n'est pas absorbé par les racines des plantes, ce qui fait que le vinaigre va être efficace en tant qu'herbicide seulement pour les plantes annuelles, parce que les plantes vivaces vont repartir à partir des racines la plupart du temps. C'est ça. Donc, le vinaigre d'acide de pomme, lui, est excellent pour la santé. Il y a très nombreux sites Internet à ce sujet-là. Puis en plus, il possède des vertus astringentes puis antioxydantes. Puis son pH, qui est très semblable à celui de la peau, en fait un produit de beauté efficace et peu coûteux. Donc, le vinaigre, c'est un produit à redécouvrir et à avoir chez soi. Mais si vous vous souvenez, souciez de la provenance des produits que vous achetez, souvenez-vous que le vinaigre blanc peut être un produit dérivé du pétrole, puis que les étiquettes ne le mentionneront pas si c'est le cas. Sauf que les vinaigres blancs naturels n'hésitent pas à le mentionner, ils s'en vantent. Donc, à vous de voir, puis d'acheter ce qui vous convient. Alors, merci Geneviève de nous avoir éclairé sur ce produit aux multiples vertus. Merci beaucoup. Et à ta santé aussi. Merci. Alors, on passe maintenant en musique sur CKRL et au retour, visite des écosystèmes nordiques.